La mort de Beethoven par Alphonse Karr. Beethoven s'était retiré à Baden, où il vivait, tristement isolé, d'une petite pension qui suffisait à peine à ses besoins. Son seul plaisir était de s'égarer dans une belle forêt qui avoisine la ville, et seul, livré à son génie, de composer ses sublimes symphonies, de laisser son âme s'élever au ciel en accents harmonieux, et de parler aux anges une langue trop belle pour les hommes qui ne la comprenaient pas. Mais au moment où il y pensait le moins, une lettre le ramena malgré lui sur la terre, où l'attendaient de nouveaux chagrins. Un neveu dont il avait pris soin et auquel il s'était attaché par le bien même qu'il lui avait fait, lui écrivait qu'impliqué à Vienne dans une fâcheuse affaire, la présence seule de son oncle pourrait l'en tirer. Beethoven partit, et pour ménager l'argent, fit une partie de la route à pied. Un soir, il s'arrêta devant une mauvaise petite vieille maison et demanda l'hospitalité. Il avait encore plusieurs lieues pour arriver à Vienne, et ses forces ne lui permettaient pas de continuer la route ce soir. On l'accueillit, il prit part au souper, ensuite se mit au coin du feu sur le siège du chef de la famille. Quand la table fut enlevée, le maître ouvrit un vieux clavecin, et ses trois fils prirent chacun leur instrument attaché à la muraille. La mère et sa fille étaient occupées à quelques travaux de ménage. Le père donna l'accord, et tous quatre commencèrent avec cet ensemble, ce génie inné pour la musique que les Allemands seuls possèdent. Il paraît que ce qu'ils jouaient les intéressait vivement, car ils s'y abandonnaient corps et âme, et les deux femmes quittèrent leur ouvrage pour écouter, et sur leur figure naïve, on voyait une douce émotion, on comprenait que leur cœur était serré. C'était toute la part que Beethoven pouvait prendre à ce qui se passait, car il ne pouvait entendre une seule note. Seulement, à la précision des mouvements des exécutants, à l'animation de leur physionomie, qui faisait voir qu'ils sentaient vivement, il songeait à la supériorité de ces hommes sur les musiciens italiens, machines musicales bien organisées. Quand ils eurent fini, ils se serrèrent la main avec effusion, comme pour se communiquer l'impression de bonheur qu'ils avaient ressentie, et la jeune fille se jeta en pleurant dans les bras de sa mère. Puis ils semblèrent se consulter, et reprirent les instruments. Ils recommençaient. Cette fois, leur exaltation était au comble. Leur regard était humide et brillant. « Mes amis, dit Beethoven, je suis bien malheureux de ne pouvoir prendre part au plaisir que vous éprouvez, car moi aussi j'aime la musique. Mais vous vous en êtes aperçu, je suis sourd au point de n'entendre aucun son. Permettez-moi de lire cette musique qui vous fait éprouver une si vive et si douce émotion. » Il prit le cahier, et ses yeux s'obscurcirent, sa respiration s'arrêta, puis il se mit à pleurer et laissa tomber le cahier. Car ce que jouaient les paysans, ce qui les enthousiasmait, c'était l'allegretto de la symphonie en la de Beethoven. Toute la famille se rassembla autour de lui, lui exprimant par signes son étonnement et sa curiosité. Pendant quelques instants encore, des sanglots convulsifs l'empêchèrent de parler, puis il leur dit « Je suis Beethoven ». Alors ils se découvrirent et s'inclinèrent avec un respect silencieux, et Beethoven leur tendit les mains, et les paysans lui serraient et lui baisaient les mains, comprenant que l'homme qu'ils avaient parmi eux était plus qu'un roi. Et ils le regardaient pour voir ses traits et chercher l'empreinte du génie, une glorieuse auréole autour de son front. Beethoven leur tendit les bras, et ils l'embrassèrent tous, le père, la mère, la jeune fille et ses trois frères. Puis tout d'un coup, il se leva, s'assit devant le clavecin, fit signe aux trois jeunes gens de reprendre leurs instruments, et il joua lui-même ce chef-d'œuvre. Ils étaient tout âme. Jamais musique ne fut plus belle, ni mieux exécutée. Quand ils eurent fini, Beethoven resta au clavecin et improvisa des chants de bonheur, des chants d'action de grâce au ciel, comme il n'en avait pas composé dans toute sa vie. Une partie de la nuit se passa à l'entendre. C'étaient ses derniers accents. Le chef de la famille le força d'accepter son lit, mais dans la nuit Beethoven eut la fièvre. Il se leva. Il sentait le besoin d'air. Il sortit nu-pied dans la campagne. Quand il rentra, il était glacé. On alla chercher à Vienne un médecin. Une pleurésie s'était déclarée. Malgré tous les soins, le médecin, après 2 jours, déclara que Beethoven allait mourir. Et en effet, à chaque instant, sa vie s'en allait. Comme il râlait dans son lit, un homme entra, c'était Hummel. Hummel, son ancien, son seul ami. Il avait appris la maladie de Beethoven. Il lui apportait des soins et de l'argent, mais il n'était plus temps. Beethoven ne parlait plus. Un regard de reconnaissance fut tout ce qu'il put dire à Hummel. Hummel se pencha vers lui, et à l'aide du cornet acoustique au moyen duquel Beethoven pouvait entendre quelques mots prononcés à haute voix, il lui fit part de la douleur qu'il ressentait de le voir dans cette situation. Beethoven parut se ranimer, ses yeux brillèrent et il dit « N'est-ce pas, Hummel, que j'avais du talent ?» Ce furent ses dernières paroles. Ses yeux restèrent fixes, sa bouche s'entr'ouvrit et la vie s'exhala. On l'a enterré dans le cimetière de Döbling. Alphonse Karr.